Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Veuillez vous saluer les uns les autres. Veuillez vous saluer les uns les autres, les unes les autres. Si tu remarques que tu ne connais pas quelqu'un, je dis mon frère, ma soeur, quel est ton nom? Si quelqu'un reste sur place, vous pouvez la saluer. Ça serait que c'est Chantal Biard. Bébé Moïse, ça va? Non, d'accord. Ça va, mon frère? Oh, Kago, ça va? On te persécute toujours. On te persécute. Ça va? Ça va, mon cher? Tu es fini, tu ne comprends pas, on rentre déjà. Pourquoi? Hein? Il se salue, on va saluer tout le monde. C'est qui ici? Alors, tu l'as salué. Donc ça va? Bien. Vraiment bien. Regarde-moi, comment tu salues, tu regardes par là. Je suis là, par là. Ok, je ne parle pas. Ça va, ma chère? Ça va bien. Comment tu as fait pour savoir ici? C'est au frère qui s'est arrivé. Il est au frère qui s'est arrivé. Ça va, la fesse? Comment tu brilles comme ça, là? Il y a quoi? Quand tu vas donner ton secret, là? Ça va? Ça va? Que Dieu vous bénisse. Vérifiez que vous connaissez le nom de quelqu'un parce qu'il avait posé les questions tout à l'heure là. Bonsoir, ça va? Comment tu t'appelles? Eh bien Daniel, salut madon. Ça va? Ça va mon frère?